Lettre 42e, Constantin à Cneius Florianus. Nicomédie, avril 302. Il y a des positions dans la vie qui paraissent de loin aussi brillantes, aussi colorées que les ailes d'un papillon. Dès qu'on les examine de trop près, dès qu'on y touche le moins du monde, ce lustre, ces belles nuances s'effacent, et il ne reste qu'un tissu sombre et sans éclat. Tel est, mon cher Florianus, mon existence à cette cour. Depuis longtemps, je vois ce qui m'entoure sans la moindre illusion. Et si j'ai caché à mon père et à toi, mon ami, ma situation actuelle, c'est parce que j'étais convaincu que la connaissance de la vérité vous aurait inquiété sans aucune utilité, et peut-être aussi par un sentiment d'orgueil pour ne pas avouer comme je m'étais trompé et combien j'ai peu d'influence. Vous, habitants éloignés et paisibles des bords de la Tamise, vous ne pouvez vous faire aucune idée des choses qu'il faut voir de près et longtemps pour les juger sainement. J'avais résolu de me taire, d'observer, et de parvenir à mon but avec courage et persévérance. Mais tu comptes sur mon pouvoir, il faut bien t'apprendre qu'il est nul, et que ce n'est pas de cette manière que je pourrais t'obliger. Ta lettre a levé le voile qui couvrait mon sort, et je vais actuellement le montrer tel qu'il est en réalité. Il y a 3 années que mon père jugea nécessaire de m'assurer l'amitié de César Galerius, me remit à ses soins, à sa protection, et que celui-ci promit de m'adopter pour son fils et de me traiter comme s'il était mon père. Pendant les 2 premières années, il fut en effet pour moi un père affectionné, vigilant, mais inquiet et sévère. Mais peu à peu, la tendresse et les sollicitudes paternelles diminuèrent et la sévérité augmenta. Il ne trouva pas, il est vrai, son fils adoptif aussi souple, aussi soumis qu'il avait cru que le serait un jeune homme sans expérience, élevé à l'ombre d'une éducation simple et privée. Le père devint un despote, et plus il exigea, plus il trouva de résistance. Le fils de César Constance, par sa naissance, par ses espérances futures, ne se croyait pas si fort au-dessous de Galerius. Il voyait devant lui un sort plus glorieux que celui de passer sa vie sous l'influence d'un pouvoir étranger et tyrannique, et de se contenter de l'éclat d'une cour asiatique, d'un luxe dont Galerius l'avait entouré pour l'éblouir. Mais je n'étais plus un enfant, et cet éclat ne m'en imposait plus, et ne pouvait me consoler de ma nullité. Je l'exprimais dans plus d'une occasion trop franchement, trop vivement, pour ne pas alarmer un caractère aussi soupçonneux. Il se défia de moi, il me craignit, et la crainte et la défiance ont produit la haine. Galerius me hait, mais il redoute ma fermeté, et n'ose plus me témoigner ouvertement sa haine. Il m'entoure d'espions, et souvent, il faut que j'emploie toute la ruse imaginable pour faire parvenir une lettre à Eboracum, au travers des pays qu'il gouverne, sans qu'elle soit ouverte ou interceptée. J'ai pris des mesures pour que celle-ci échappe à sa vigilance, aussi contient-elle des choses que j'ai dû te taire dans mes précédentes. Tu trouveras dans le récit que je viens de te faire de ma position la raison pourquoi il ne m'a pas encore été possible d'agir pour toi comme je l'aurais voulu. La première vertu de Dioclétien est une prudence et une discrétion à toute épreuve. L'impératrice Prisca, ainsi que la reine de l'Olympe, n'est pas la seule femme pour le monarque du monde, et l'on prétend qu'Auguste a souvent été obligé de cacher aux yeux jaloux de sa Junon ses jouissances secrètes. Tu dois donc comprendre combien il est difficile de découvrir quelque chose de positif dans un mystère de cette nature, surtout ici où chaque pas est épié, chaque mot rapporté, et où le moindre soupçon amènerait une foule de choses pénibles. Je ne puis donc agir qu'avec la plus grande prudence. Tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à présent est qu'Asinius Ponticus a été vu aux dernières Saturnales de Coloniae Agrippinae avec 2 femmes inconnues. De là, il est allé à Mantoue. Dès que j'aurai quelque chose de plus, je m'empresserai de t'en informer dans quelque lieu que je me trouve, car dans 3 jours, nous partons pour nous rendre à l'armée. Ta confiance m'a infiniment flatté. Tous mes efforts tendront à me rendre toujours plus digne, et je saisirai chaque occasion de te prouver la tendre et reconnaissante amitié qui brûle pour toi dans mon cœur. N'est-ce pas la tienne que je dois les biens les plus précieux que l'homme puisse donner à l'homme, l'émulation du bien, une âme fière et sensible, un cœur vertueux et une piété éclairée, voilà du moins ce que tu m'inspires et le désir de posséder. Adieu.